loin de toi, en me trompant de chemin. Je revois tes yeux, ton chagrin, ton visage près du mien. C'est la dernière chose de toi dont je me souviens. Et je t'appelle, et je te cherche, et puis je t'aime. Du mal et je ne le savais pas. J'ai gardé